C'est un ticket de métro ? Non, ce n'est pas un ticket de métro. C'est un ticket de parking. Ce n'est pas un ticket de métro. C'est une tablette. Ce n'est pas un ordinateur.